Gundermann avait raison, décidément. Ça ne vaut rien, la fièvre à la bourse. Oh, le gredin, est-il heureux, lui, de n'avoir plus ni sang ni nerfs, de ne plus pouvoir coucher avec une femme, ni boire une bouteille de Bourgogne. Je crois d'ailleurs qu'il a toujours été comme ça. Ses veines charrient de la glace. Moi, je suis trop passionnée, c'est évident. La raison de ma défaite n'est pas ailleurs. Voilà pourquoi je me suis si souvent cassé les reins. Et il faut ajouter que si ma passion me tue, c'est aussi ma passion qui me fait vivre. Oui, elle m'emporte, elle me grandit, me pousse très haut. Et puis elle m'abat, elle détruit d'un coup toute son œuvre. Jouir n'est peut-être que se dévorer. Certainement, quand je songe à ces 4 ans de lutte, je vois bien tout ce qui m'a trahi. C'est tout ce que j'ai désiré, tout ce que j'ai possédé. Ça doit être incurable, ça. Je suis fichu. Alors, une colère le souleva contre son vainqueur. Ah, ce Gundermann, ce sale juif, qui triomphe parce qu'il est sans désir. C'est bien la juiverie entière, cet obstiné et froid conquérant, en marche pour la souveraine royauté du monde, au milieu des peuples achetés, un à un, par la toute-puissance de l'or. Voilà des siècles que la race nous envahit et triomphe, malgré les coups de pied au derrière et les crachats. Lui a déjà 1 milliard. Il en aura 2, il en aura 10, il en aura 100. Il sera un jour le maître de la terre. Je m'entête depuis des années à crier cela sur les toits. Personne n'a l'air de m'écouter. On croit que c'est un simple dépit d'homme de bourse, lorsque c'est le cri même de mon sang. Oui, la haine du juif, je l'ai dans la peau. Oh, de très loin, aux racines même de mon être. Quelle singulière chose, murmura tranquillement Madame Caroline, avec son vaste savoir, sa tolérance universelle. Pour moi, les Juifs, ce sont des hommes comme les autres. S'ils sont à part, c'est qu'on les y a mis. Saccard, qui n'avait pas même entendu, continuait avec plus de violence. Et ce qui m'exaspère, c'est que je vois les gouvernements complices au pied de ces gueux. Ainsi, l'empereur est-il assez vendu à Gundermann? Comme s'il était impossible de régner sans l'argent de Gundermann. Certes, Rougon, mon grand homme de frère, s'est conduit d'une façon bien dégoûtante à mon égard, car, je ne vous l'ai pas dit, j'ai été assez lâche pour chercher à me réconcilier avant la catastrophe. Et si je suis ici, c'est qu'il l'a bien voulu. N'importe, puisque je le gêne, qu'il se débarrasse donc de moi. Je ne lui en voudrais quand même que de son alliance avec ces sales juifs. Avez-vous songé à cela? L'universel étranglé pour que Gundermann continue son commerce. Toute banque catholique trop puissante écrasée comme un danger social pour assurer le définitif triomphe de la juiverie qui nous mangera, et bientôt. Ah, que Rougon prenne garde! Il sera mangé, lui d'abord, balayé de ce pouvoir auquel il se cramponne, pour lequel il renie tout. C'est très malin son jeu de bascule, les gages donnés un jour aux libéraux, l'autre jour aux autoritaires. Mais à ce jeu-là, on finit fatalement par se rompre le cou. Et puisque tout craque, que le désir de Gundermann s'accomplisse donc, lui qui a prédit que la France serait battue si nous avions la guerre avec l'Allemagne. Nous sommes prêts. Les Prussiens n'ont plus qu'à entrer et à prendre nos provinces. D'un geste terrifié et suppliant, elle le fit taire, comme s'il allait attirer la foudre. Non, non, ne dites pas ces choses. Vous n'avez pas le droit de les dire. Du reste, votre frère n'est pour rien dans votre arrestation. Je sais de source certaine que c'est le garde des Sceaux d'Elcambre qui a tout fait. » La colère de Saccard tomba brusquement. Il eut un sourire. « Oh, celui-là se venge !» Elle le regardait d'un air d'interrogation et il ajouta « Oui, une vieille histoire entre nous. » Je sais d'avance que je serai condamnée. » Sans doute, elle se méfia de l'histoire, car elle n'insista pas. Un court silence régna, pendant lequel il reprit les papiers sur la table, tout entier de nouveau à son idée fixe. « Vous êtes bien charmante, chère amie, d'être venue, et il faut me promettre de revenir, parce que vous êtes de bons conseils et que je veux vous soumettre des projets. Ah, si j'avais de l'argent !» Vivement, elle l'interrompit, saisissant l'occasion pour s'éclairer sur un point qui la hantait et la tourmentait depuis des mois. Qu'avait-il fait des millions qu'il devait posséder pour sa part? Les avait-il envoyés à l'étranger, enterrés au pied de quelque arbre connu de lui seul? Mais vous en avez de l'argent, les 2 millions de sa devoir, les 9 millions de vos 3 000 actions, si vous les avez vendues au cours de 3 000. « Moi, ma chère » cria-t-il, « je n'ai pas un sou !» Et cela était parti d'une voix si nette et si désespérée, il la regardait d'un tel air de surprise qu'elle fut convaincue. « Jamais je n'ai eu un sou dans les affaires qui ont mal tourné. Comprenez donc que je me ruine avec les autres. Certes, oui, j'ai vendu, mais j'ai racheté aussi. » De 2 autres millions encore, je serais fort embarrassée et où ils s'en sont allés, mes 9 millions, augmentés pour vous l'expliquer clairement. Je crois bien que mon compte se soldait chez ce pauvre Mazot par une dette de 30 à 40 000 francs. Plus un sou, le grand coup de balai, comme toujours. Elle en fut si soulagée, si égayée, qu'elle plaisanta sur leur propre ruine à elle et à son frère. Nous aussi, quand tout va être terminé, je ne sais pas si nous aurons de quoi manger un mois. Ah, cet argent, ces 9 millions que vous nous aviez promis, vous vous rappelez comme ils me faisaient peur? Jamais je n'ai vécu dans un tel malaise, et quel soulagement, le soir du jour où j'ai tout rendu en faveur de l'actif. Même les 300 000 francs de l'héritage de notre tante y sont passés. Ça, ce n'est pas très juste. Mais je vous l'avais dit, de l'argent trouvé, de l'argent qu'on n'a pas gagné, on n'y tient guère. Et vous voyez bien que je suis gaie et que je ris maintenant. » Il l'arrêta d'un geste fiévreux. Il avait pris les papiers sur la table et les brandissait. « Laissez donc, nous serons très riches. » « Comment? Est-ce que vous croyez que je lâche mes idées ? Depuis 6 mois, je travaille ici. Je veille les nuits entières pour tout reconstruire. Les imbéciles qui me font surtout un crime de ce bilan anticipé en prétendant que des 3 grandes affaires, les paquebots réunis, le Carmel et la Banque nationale turque, la première seulement a donné les bénéfices prévus. Parbleu, si les 2 autres ont périclité, c'est que je n'étais plus là. Mais quand ils m'auront lâché... Oui, quand je redeviendrai le maître, vous verrez, vous verrez. » Suppliante, elle voulut l'empêcher de poursuivre. Il s'était mis debout, il se grandissait sur ses petites jambes, criant de sa voix aiguë. « Les calculs sont faits, les chiffres sont là, regardez. Des amusettes simplement, le Carmel et la Banque nationale turque. Il nous faut le vaste réseau des chemins de fer d'Orient. Il nous faut le reste. Jérusalem, Bagdad, l'Asie mineure entière conquise. Ce que Napoléon n'a pu faire avec son sabre, et ce que nous ferons, nous autres, avec nos pioches et notre or. Comment avez-vous pu croire que j'abandonnais la partie? Napoléon est bien revenu de l'île d'Elbe. Moi aussi, je n'aurai qu'à me montrer. Tout l'argent de Paris se lèvera pour me suivre. Et il n'y aura pas cette fois de Waterloo, je vous en réponds, parce que mon plan est d'une rigueur mathématique, prévu jusqu'au dernier centime. Enfin, nous allons l'abattre, ce Gundermann de malheur. Je ne demande que 400 millions, 500 millions peut-être. Et le monde est à moi. » Elle avait réussi à lui prendre les mains, elle se serrait contre lui. « Non, non, taisez-vous, vous me faites peur !» Et, malgré elle, de son effroi, une admiration montait. Brusquement, dans cette cellule misérable et nue, verrouillée, séparée des vivants, elle venait d'avoir la sensation d'une force débordante, d'un resplendissement de l'éternelle illusion de l'espoir, l'entêtement de l'homme qui ne veut pas mourir. Elle cherchait en elle la colère, l'exécration des fautes commises, et elle ne les trouvait déjà plus. Ne l'avait-elle pas condamné après les irréparables malheurs dont il était la cause? N'avait-elle pas appelé le châtiment, la mort solitaire dans le mépris? Elle n'en gardait que sa haine du mal et sa pitié pour la douleur. Lui, cette force inconsciente et agissante, elle le subissait de nouveau, comme une des violences de la nature, sans doute nécessaire. Et puis, si c'était là qu'une faiblesse de femme, elle s'y abandonnait délicieusement, tout à la maternité souffrante, tout à l'infini besoin de tendresse, qui le lui avait fait aimer sans estime dans sa haute raison dévastée par l'expérience. « C'est fini !» répéta-t-elle à plusieurs reprises sans cesser de lui serrer les mains dans les siennes. « Ne pouvez-vous donc vous calmer et vous reposer enfin ?» Puis, comme il se haussait pour effleurer des lèvres ses cheveux blancs, dont les boucles foisonnaient sur ses tempes avec une abondance vivace de jeunesse, elle le maintint. Elle ajouta d'un air d'absolue résolution et de tristesse profonde, en donnant aux mots toute leur signification. « Non, non, c'est fini à jamais. Je suis contente de vous avoir vu une dernière fois pour qu'il ne reste pas de la colère entre nous. Adieu. » Quand elle partit, elle le vit debout, près de la table, véritablement ému de la séparation, mais reclassant déjà d'une main instinctive les papiers qu'il avait mêlés dans sa fièvre. Et le petit bouquet de dessous s'étant effeuillé parmi les pages, il secouait celles-ci une à une, il balayait des doigts les pétales de rose. Ce ne fut que 3 mois plus tard, vers le milieu de décembre, que l'affaire de la Banque universelle vint enfin devant le tribunal. Elle tint 5 grandes audiences de la police correctionnelle, au milieu d'une curiosité très vive. La presse avait fait un bruit énorme autour de la catastrophe. Des histoires extraordinaires circulaient sur les lenteurs de l'instruction. On remarqua beaucoup l'exposé des faits que le parquet avait dressé, un chef-d'œuvre de féroce logique où les plus petits détails étaient groupés, utilisés, interprétés, avec une clarté impitoyable. D'ailleurs, on disait partout que le jugement était rendu à l'avance. Et, en effet, l'évidente bonne foi d'Amelin, l'héroïque attitude de Saccard qui tint tête à l'accusation pendant les 5 jours, les plaidoiries magnifiques et retentissantes de la défense, n'empêchèrent pas les juges de condamner les 2 prévenus à 5 années d'emprisonnement et à 3 000 francs d'amende. Seulement, remise en liberté provisoire sous caution, 1 mois avant, et s'étant ainsi présentée devant le tribunal en prévenue libre, ils purent faire appel et quitter dans les 24 heures. C'était Rougon qui avait exigé ce dénouement, ne voulant pas garder sur les bras l'ennui d'un frère en prison. La police veilla elle-même au départ de Saccard, qui fila en Belgique par un train de nuit. Le même jour, Amelin était parti pour Rome. Et 3 nouveaux mois s'écoulèrent. On était dans les premiers jours d'avril. Madame Caroline se trouvait encore à Paris, où l'avait retenu le règlement d'affaires inextricable. Elle occupait toujours le petit appartement de l'hôtel d'Orviedo, dont les affiches annonçaient la vente. Du reste, elle venait enfin d'arranger les dernières difficultés. Elle pouvait partir, certes, sans un sou en poche, mais sans laisser aucune dette derrière elle. Et elle devait quitter Paris le lendemain pour aller à Rome rejoindre son frère, qui avait eu la chance d'y obtenir une petite situation d'ingénieur. Il lui avait écrit que des leçons l'y attendaient. C'était toute leur existence à recommencer. En se levant le matin de cette dernière journée qu'elle passerait à Paris, un désir lui vint de ne pas s'éloigner, pour tenter d'avoir des nouvelles de Victor. Jusque-là, toutes les recherches étaient restées vaines. Mais elle se rappelait les promesses de la Méchain. Elle se disait que peut-être cette femme savait quelque chose. et il était facile de la questionner en se rendant chez Bush vers 4 heures. D'abord, elle repoussa cette idée. À quoi bon tout cela, n'était-il pas mort? Puis elle en souffrit réellement, le cœur douloureux, comme d'un enfant qu'elle aurait perdu, et sur la tombe duquel elle n'aurait pas porté de fleurs en s'en allant. À 4 heures, elle descendit rue Feydeau. Les deux portes du palier étaient ouvertes. De l'eau bouillait violemment dans la cuisine noire, tandis que, de l'autre côté, dans l'étroit cabinet, la Méchain, qui occupait le fauteuil de Bush, semblait submergée au milieu d'un tas de papiers qu'elle tirait par liasses énormes de son vieux sac de cuir. « Ah, c'est vous, ma bonne madame! Vous tombez dans un bien vilain moment. Monsieur Sigismond est à l'agonie, et le pauvre monsieur Bush en perd la tête, positivement, tant il aime son frère. Il ne fait que courir comme un fou. Il est encore sorti pour ramener un médecin. Vous voyez, je suis obligée de m'occuper de ses affaires, car voilà 8 jours qu'il n'a seulement pas acheté un titre ni mis le nez dans une créance. Heureusement, j'ai fait tout à l'heure un coup, oh, un vrai coup, qui le consolera un peu de son chagrin, le cher homme, quand il reviendra à la raison. » Madame Caroline, saisie, oubliait qu'elle était là pour Victor, car elle avait reconnu des titres déclassés de l'universel dans les papiers que la Méchain tirait à poignée de son sac. Le vieux cuir en craquait et elle en sortait toujours, devenue bavarde au milieu de sa joie. « Tenez, j'ai eu tout ça pour 250 francs. Il y en a bien 5 000, ce qu'il aimait à un sou, hein ? Un sou, des actions qui ont été cotées 3 000 francs. Les voilà presque retombées au prix du papier. Oui, du papier à la livre. Mais elles valent mieux tout de même. Nous les revendrons au moins 10 sous, parce qu'elles sont recherchées par les gens en faillite. Vous comprenez, elles ont eu une si bonne réputation. Qu'elles meublent encore. Elles font très bien dans un passif. C'est très distingué d'avoir été victime de la catastrophe. Enfin, j'ai eu une chance extraordinaire. J'avais flairé la fosse, où, depuis la bataille, toute cette marchandise dormait. Un vieux fond d'abattoir qu'un imbécile mal renseigné m'a lâché pour rien. Et vous pensez si je suis tombé dessus? Ah, ça n'a pas traîné. Je vous ai nettoyé ça vivement. » Et elle s'égayait en oiseau carnassier des champs de massacre de la finance. Son énorme personne suait les immondes nourritures dont elle s'était engraissée, tandis que de ses mains courtes et crochues, elle remuait les morts, ses actions dépréciées, déjà jaunies et exhalant une odeur rance. Mais une voix ardente et basse s'éleva, venant de la chambre voisine, dont la porte était grande ouverte, comme les deux portes du palier. « Bon, voilà M. Sigismond qui se remet à causer. Il ne fait que ça depuis ce matin. Mon Dieu! Et l'eau qui boue, l'eau que j'oublie! C'est pour un tas de tisane. Ma bonne madame, puisque vous êtes là, voyez donc s'il ne demande pas quelque chose. » La Méchain fila dans la cuisine, et Madame Caroline, que la souffrance attirait, entra dans la chambre. La nudité en était tout égayée par un clair soleil d'avril dont un rayon tombait droit sur la petite table de bois blanc encombrée de notes écrites, de dossiers volumineux, d'où débordait un travail de 10 ans. Et il n'y avait toujours rien autre que les 2 chaises de paille et les quelques volumes entassés sur des planches. Dans l'étroit lit de fer, Sigismond, assis contre 3 oreillers, vêtu jusqu'à mi-corps d'une courte blouse de flanelle rouge, parlait sans relâche, sous la singulière excitation cérébrale qui précède parfois la mort des phtisiques. Il délirait avec des moments d'extraordinaire lucidité. Et au milieu de sa face amaigrie, encadrée de ses longs cheveux bouclés, ses yeux élargis démesurément interrogeaient le vide. Tout de suite, quand Madame Caroline parut, il sembla la reconnaître, bien que jamais ils ne se fussent rencontrés. « Ah, c'est vous, madame, je vous avais vue, je vous appelais de toutes mes forces. Venez, venez plus près, que je vous dise à voix basse. » Malgré le petit frisson de peur qu'il avait prise, elle s'approcha. Elle dut s'asseoir sur une chaise, contre le lit même. « Je ne savais pas, mais je sais maintenant. Mon frère vend des papiers, et il y a des gens que j'ai entendus pleurer là, dans son cabinet. Mon frère, ah, j'en ai eu le cœur comme traversé d'un fer rouge. Oui, c'est ça qui m'est resté dans la poitrine. Ça me brûle toujours, parce que c'est abominable, l'argent, le pauvre monde qui souffre. Alors, tout à l'heure, quand je serai mort, mon frère vendra mes papiers, et je ne veux pas, je ne veux pas. » Sa voix s'élevait peu à peu, suppliante. « Tenez, madame, ils sont là sur la table. Donnez-les-moi, que nous en fassions un paquet, et vous les emporterez. Vous emporterez tout. Oh, je vous appelais, je vous attendais. Mes papiers perdus, toute ma vie de recherche et d'efforts anéantis. » Et, comme elle hésitait à lui donner ce qu'il demandait, il joignit les mains. « De grâce, que je m'assure qu'ils y sont bien tous avant de mourir. Mon frère n'est pas là. Mon frère ne dira pas que je me tue. Je vous en supplie. » Alors elle céda, bouleversée par l'ardeur de la prière. « Vous voyez que j'ai tort, puisque votre frère dit que cela vous fait du mal. » « Du mal? Oh non! Et puis qu'importe! Enfin, cette société de l'avenir, je suis parvenue à la mettre debout après tant de nuits passées. Tout y est prévu, résolu, c'est toute la justice et tout le bonheur possible. Quel regret de n'avoir pas eu le temps de rédiger l'œuvre avec les développements nécessaires. Mais voici mes notes complètes, classées. Et, n'est-ce pas, vous allez les sauver pour qu'un jour, un jour, leur donne la forme du livre définitif lancé dans le monde. » De ses longues mains frêles, il avait pris les papiers, il les feuilletait amoureusement, tandis que dans ses grands yeux, déjà troubles, se rallumait une flamme. Il parlait très vite, d'un ton cassé et monotone, avec le tic-tac d'une chaîne d'horloge que le poids emporte. Et c'était le bruit même de la mécanique cérébrale fonctionnant sans arrêt dans le déroulement de l'agonie. Ah, comme je la vois, comme elle se dresse là, nettement, la cité de justice et de bonheur. Tous y travaillent, d'un travail personnel, obligatoire et libre. La nation n'est qu'une société de coopération immense. Les outils deviennent la propriété de tous. Les produits sont centralisés dans de vastes entrepôts généraux. On a effectué tant de labeurs utiles. On a droit à tant de consommation sociale. C'est l'heure d'ouvrage qui est la commune mesure. Un objet ne vaut que ce qu'il a coûté d'heure. Il n'y a plus qu'un échange entre tous les producteurs à l'aide des bons de travail. Et cela sous la direction de la communauté, sans qu'aucun autre prélèvement soit fait que l'impôt unique pour élever les enfants et nourrir les vieillards, renouveler l'outillage, défrayer les services publics gratuits. Plus d'argent, et dès lors plus de spéculation, plus de vols, plus de trafics abominables, plus de ces crimes que la cupidité exaspère, les filles épousées pour leur dot, les vieux parents étranglés pour leur héritage, les passants assassinés pour leur bourse, plus de classes hostiles, de patrons et d'ouvriers, de prolétaires et de bourgeois, et dès lors plus de lois restrictives, ni de tribunaux, de forces armées gardant l'inique accaparement des uns contre la faim enragée des autres. Plus d'oisifs d'aucune sorte, et dès lors, plus de propriétaires nourris par le loyer, de rentiers entretenus comme des filles par la chance. Plus de luxe, enfin, ni de misère. Ah, n'est-ce pas l'idéal équité, la souveraine sagesse? Pas de privilégiés, pas de misérables, chacun faisant son bonheur par son effort, la moyenne du bonheur humain. » Il s'exaltait, et sa voix devenait douce, lointaine, comme si elle s'éloignait et se perdait très haut dans l'avenir dont il annonçait la venue. « Et si j'entrais dans les détails, vous voyez cette feuille séparée avec toutes ces notes marginales, c'est l'organisation de la famille, le contrat libre, l'éducation et l'entretien des enfants mis à la charge de la communauté. Pourtant, ce n'est point l'anarchie. Regardez cette autre note. je veux un comité directeur pour chaque branche de la production, chargé de proportionner celle-ci à la consommation en établissant les besoins réels. Et ici encore, un détail d'organisation dans les villes, dans les champs, des armées industrielles, des armées agricoles, manœuvreront sous la conduite des chefs élus par elles, obéissant à des règlements qu'elles auront votés. Tenez, j'ai aussi indiqué là, par des calculs approximatifs, à combien d'heures la journée de travail pourra être réduite dans 20 ans. Grâce au grand nombre des bras nouveaux, grâce surtout aux machines, on ne travaillera que 4 heures, 3 peut-être. Et que de temps on aura pour jouir de la vie, car ce n'est pas une caserne, c'est une cité de liberté et de gaieté, où chacun reste libre de son plaisir, avec tout le temps de satisfaire ses légitimes appétits, la joie d'aimer, d'être fort, d'être beau, d'être intelligent, de prendre sa part de l'inépuisable nature. » Et son geste, autour de la misérable chambre, possédait le monde. Dans cette nudité où il avait vécu, cette pauvreté sans besoin où il se mourait, il faisait d'une main fraternelle le partage des biens de la terre. C'était l'universelle félicité, tout ce qui est bon et dont il n'avait pas joui, qu'il distribuait de la sorte, en sachant qu'il n'en jouirait jamais. Il avait hâté sa mort pour ce suprême cadeau à l'humanité souffrante. Mais ses mains s'égaraient, tâtonnantes, parmi les notes éparses, tandis que ses yeux ne voyaient déjà plus, emplis de l'éblouissement de mort, semblaient apercevoir l'infinie perfection au-delà de la vie, dans un ravissement d'extase dont toute sa face s'éclairait. Ah ! Que d'activités nouvelles ! L'humanité entière au travail, aux terres incultes, les mains de tous les vivants améliorant le monde. Il n'y a plus de landes, plus de marais, plus de terres incultes. Les bras de mer sont comblés, les montagnes géantes disparaissent, les déserts se changent en vallées fertiles sous les eaux qui jaillissent de toutes parts. Aucun prodige n'est irréalisable. Les anciens grands travaux font sourire tant ils semblent timides et enfantins. La terre enfin est habitable. Et c'est tout l'homme développé, grandi, jouissant de ses pleins appétits, devenu le vrai maître. Les écoles et les ateliers sont ouverts. L'enfant choisit librement son métier que les aptitudes déterminent. Des années déjà se sont écoulées et la sélection s'est faite grâce à des examens sévères. Il ne suffit plus de pouvoir payer l'instruction, il faut en profiter. Chacun se trouve ainsi arrêté, utilisé au juste degré de son intelligence, ce qui répartit équitablement les fonctions publiques d'après les indications mêmes de la nature. Chacun pour tous, selon sa force. Ah, cité active et joyeuse, cité idéale de saine exploitation humaine, où n'existe plus le vieux préjugé contre le travail manuel, où l'on voit un grand poète menuisier, un serrurier grand savant. Ah, cité bienheureuse, cité triomphale vers qui les hommes marchent depuis tant de siècles, cité dont les murs blancs resplendissent, là-bas, là-bas, dans le bonheur, dans l'aveuglant soleil. Ses yeux pâlirent, les derniers mots s'exhalèrent, indistincts, en un petit souffle, et sa tête retomba, gardant le sourire extasié de ses lèvres. Il était mort. Bouleversée de pitié et de tendresse, Madame Caroline le regardait, lorsqu'elle eut, derrière elle, la sensation d'une tempête qui entrait. C'était Bush, revenant sans médecin, haletant, ravagé d'angoisse. Tandis que la Méchain, sur ses talons, lui expliquait pourquoi elle n'avait pu encore faire la tisane, l'eau s'étant renversée. Mais il avait aperçu son frère, son petit enfant, comme il le nommait, couché sur le dos, immobile, avec la bouche ouverte, les yeux fixes. Et il comprit. Et il poussa un hurlement de bête égorgée. D'un bond, il s'était jeté sur le corps, Il l'avait soulevé dans ses deux grands bras comme pour lui souffler de la vie. Ce terrible mangeur d'or qui aurait tué un homme pour 10 sous, qui avait si longtemps écumé le Paris immonde, hurlait d'une abominable souffrance. Son petit enfant, mon Dieu, lui qui le couchait, qui le dorlotait ainsi qu'une mère, il ne l'aurait jamais plus, son petit enfant. Et, dans une crise d'enragé désespoir, il ramassa les papiers épars sur le lit, il les déchira, les broya, comme s'il avait voulu anéantir tout ce travail imbécile et jalousé qui lui avait tué son frère. Madame Caroline, alors, sentit son cœur se fondre. Le malheureux, il ne l'emplissait plus que d'une divine pitié. Mais où donc avait-elle entendu hurler ainsi? Une seule fois déjà, le cri de la douleur humaine l'avait pénétré d'un tel frisson. Et elle se souvint, c'était chez Mazot, le hurlement de la mère et des petits devant le cadavre du père. Comme incapable de se soustraire à cette souffrance, elle resta encore un instant, rendit des services. Puis, au moment de partir, se retrouvant seule avec la Méchain dans l'étroit cabinet d'affaires, elle se rappela qu'elle était venue pour la questionner sur Victor, et elle l'interrogea. « Ah bien, Victor, il était loin, s'il courait toujours. Elle avait battu Paris pendant 3 mois, sans seulement découvrir une piste. Elle y renonçait. Il serait toujours temps de retrouver un jour ce bandit sur l'échafaud. » Et Madame Caroline l'écoutait, glacée et muette. Oui, c'était fini. Le monstre était lâché par le monde, à l'avenir, à l'inconnu, ainsi qu'une bête écumant du virus héréditaire qui devait élargir le mal à chacun de ses coups de dents. Dehors, sur le trottoir de la rue Vivienne, Madame Caroline fut surprise de la douceur de l'air. Il était 5 heures, le soleil se couchait dans un ciel d'une pureté tendre, dorant au loin les enseignes hautes du boulevard. Cet avril, si charmant d'une nouvelle jeunesse, était comme une caresse à tout son être physique, jusqu'au cœur. Elle respira fortement, soulagée, plus heureuse déjà, avec la sensation de l'invincible espoir qui revenait et grandissait. C'était sans doute la mort si belle de ce rêveur, donnant son dernier souffle à sa chimère de justice et d'amour, qui l'attendrissait ainsi, dans le songe qu'elle avait également fait d'une humanité purgée du mal exécrable de l'argent. Et c'était encore le hurlement de l'autre, la tendresse exaspérée et saignante du terrible loup Servier, qu'elle croyait sans cœur, incapable de larmes. Non, pourtant, elle ne s'en était pas allée sous l'impression consolante de tant de bonté humaine au milieu de tant de douleurs. Elle avait au contraire emporté la désespérance finale du petit monstre échappé, galopant, semant par les routes le ferment de pourriture dont jamais la terre n'arriverait à se guérir. Alors, pourquoi donc cette gaieté renaissante qui l'envahissait toute? Lorsqu'elle fut au boulevard, Madame Caroline tourna à gauche, ralentit le pas au milieu de l'animation de la foule. Un instant, elle s'arrêta devant une petite voiture pleine de bottes de lilas et de giroflées, dont le fort parfum l'enveloppa d'une bouffée de printemps. Et, maintenant, en elle, tandis qu'elle reprenait sa marche, le flot de la joie montait, comme d'une source bouillonnante qu'elle aurait tenté vainement d'arrêter, de boucher avec ses deux mains. Elle avait compris. Elle ne voulait pas. Non, non, les affreuses catastrophes étaient trop récentes. Elle ne pouvait être gaie, s'abandonner à ce jaillissement d'éternelle vie qui la soulevait. Et elle s'efforçait de garder son deuil. Elle se rappelait au désespoir par tant de souvenirs cruels. Quoi? Elle aurait ri encore après l'écroulement de tout? Une si effrayante somme de misère? Oubliait-elle qu'elle était complice? Et elle se citait les faits. Celui-ci, celui-là, cet autre, qu'elle aurait dû mettre tout son reste d'existence à pleurer. Mais, entre ses doigts serrés sur son cœur, le bouillonnement de sève devenait plus impétueux. la source de vie débordait, écartait les obstacles pour couler librement en rejetant les épaves aux deux bords, claires et triomphantes sous le soleil. Dès ce moment, vaincue, Madame Caroline dut s'abandonner à la force irrésistible du continuel rajeunissement. Comme elle le disait en riant parfois, elle ne pouvait être triste. L'épreuve était faite, elle venait de toucher le fond du désespoir, et voici que l'espoir ressuscitait de nouveau, brisé, ensanglanté, mais vivace quand même, plus large de minute en minute. Certes, aucune illusion ne lui restait, la vie était décidément injuste et ignoble, comme la nature. Pourquoi donc cette déraison de l'aimer, de la vouloir, de compter, ainsi que l'enfant à qui l'on promet un plaisir toujours différé, sur le but lointain et inconnu vers lequel, sans fin, elle nous conduit? Puis, lorsqu'elle tourna dans la rue de la Chaussée-d'Antin, elle ne raisonna même plus. La philosophe, en elle, la savante et la lettrée, abdiquait, fatiguée de l'inutile recherche des causes. Elle n'était plus qu'une créature heureuse du beau ciel et de l'air doux, goûtant l'unique jouissance de se bien porter, d'entendre ses petits pieds fermes battre le trottoir. Ah, la joie d'être! Est-ce qu'au fond, il en existe une autre? La vie telle qu'elle est, dans sa force, si abominable qu'elle soit, avec son éternel espoir. Rentrée dans son appartement de la rue Saint-Lazare, qu'elle quittait le lendemain, Madame Caroline acheva ses malles. Et, comme elle faisait le tour de la salle des épures, vide déjà, elle aperçut, sur les murs, les plans et les aquarelles qu'elle s'était promis de ficeler en un rouleau unique au dernier moment. Mais une songerie l'arrêta. À chaque feuille de papier, avant d'arracher les quatre pointes aux quatre angles, elle revivait ses journées lointaines d'Orient, de ce pays tant aimé, dont elle semblait avoir gardé en elle l'éclatante lumière. Elle revivait les cinq années qu'elle venait de passer à Paris, cette crise de chaque jour, cette activité folle, le monstrueux ouragan de millions qui avait traversé sa vie en la saccageant. Et, de ces ruines chaudes encore, elle sentait déjà germer, s'épanouir au soleil, toute une floraison. Si la Banque nationale turque s'était effondrée à la suite de l'universel, la Compagnie générale des paquebots réunis restait debout et prospère. Elle revoyait la côte enchantée de Beyrouth, où s'élevaient, au milieu d'immenses magasins, les bâtiments de l'administration, dont elle était en train d'épousseter le plan. Marseille, mise aux portes de l'Asie mineure, la Méditerranée conquise, les nations rapprochées, pacifiée peut-être. Et cette gorge du Carmel, cette aquarelle qu'elle déclouait, ne savait-elle pas, par une lettre récente, que tout un peuple y avait poussé? Le village de 500 habitants, né d'abord autour de la mine en exploitation, était à présent une ville, plusieurs milliers d'âmes, toute une civilisation, des routes, des usines, des écoles, fécondant ce coin mort et sauvage. Puis, c'étaient les tracés, les nivellements et les profils pour la ligne ferrée de Brousse à Beyrouth, par Angora et Alep. Une série de grandes feuilles, qu'une à une, elle roulait. Sans doute, il s'écoulerait des années avant que les cols du Taurus fussent traversés à toute vapeur. Mais déjà, la vie affluait de partout. Le sol de l'antique berceau venait d'être ensemencé d'une nouvelle moisson d'hommes. Le progrès de demain y grandirait, avec une vigueur de végétation extraordinaire, dans ce merveilleux climat sous les grands soleils. N'y avait-il pas là le réveil d'un monde, l'humanité élargie et plus heureuse? Maintenant, Madame Caroline, à l'aide d'une forte ficelle, nouait le paquet des plans. Son frère, qui l'attendait à Rome, où tous deux allaient recommencer une existence, lui avait bien recommandé de les emballer avec soin. Et, comme elle serrait les nœuds, l'idée lui vint de sa carte, qu'elle savait, en Hollande, lancée de nouveau dans une affaire colossale, le dessèchement d'immenses marais,